Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1. Selon les connaissances actuelles, l'âge de la Terre est de 4,54 milliards d'années. Cette datation repose sur des preuves scientifiques obtenues par datation radiométrique, c'est-à-dire par dégradation d'éléments radioactifs contenus dans la matière. De plus, l'âge des météorites est cohérent avec l'âge des échantillons prélevés sur les plus anciennes roches lunaires et terrestres connues. Alors, pour nous parler de cette grande épopée qui a conduit à la mesure de l'âge de la Terre au fil des siècles, je reçois Dominique Boudreau, coordonnateur du Centre de démonstration en sciences physiques de Québec. Bonjour Dominique. Bonjour François, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Merci. Alors Dominique, ma première question va être très, très ouverte. D'où venons-nous? Oui, effectivement. D'où venons-nous? En fait, j'ai voulu aborder cette question-là un peu dans la foulée des événements là après Donald Trump. On entend beaucoup parler ces temps-ci des faits alternatifs qui font couler beaucoup d'encre quand même. Et de cette idée que la science, en fait, souvent, elle a cette aura de neutralité. Hein. Quand on parle des scientifiques, c'est des gens neutres qui parlent de façon objective. Et en fait, on espère que c'est le plus vrai possible. Mais les scientifiques sont aussi des humains comme n'importe qui. Et ils ont leurs propres biais, leurs propres a priori, leurs propres croyances, qui, en fait, parfois sont à la base de découvertes aussi. Donc, ça, il ne faut pas le nier. Mais je voulais parler de ça parce que c'est moins abordé, ou en fait, c'est un aspect moins intéressant, ou moins parlé de la science. Mais en plus, dans l'histoire de la science, c'est important, toutes ces histoires de croyances, justement, puis ça a donné lieu à des débats. Et donc, dans l'histoire de l'âge de la Terre, il y a eu plusieurs débats, plusieurs controverses qui sont assez intéressantes à mettre au jour. Donc, comme je disais, le biais à l'œuvre derrière cette idée des faits alternatifs promis par des gens de l'entourage politique du président des États-Unis, Donald Trump, fait alternatif, déjà, ça détourne l'idée d'un fait qui est cette adéquation entre ce qu'on dit et la réalité pour corroborer, en fait, notre idéologie. Ça, c'est un fait alternatif. Exactement. Donc, on prend pas en compte, ou moins en compte, la réalité, mais plutôt notre idéologie. La problématique, évidemment, c'est que si on considère vraiment la réalité puis l'adéquation, ben, en fait, un fait alternatif, c'est un mensonge. Donc, en fait, on le voit souvent en politique, ça, mais en science, c'est moins souhaitable, disons. Oui, tout à fait. Ben, évidemment, on veut s'éloigner de ça le plus possible. Mais, justement, comme on en parle beaucoup de ces faits alternatifs, ce que je vais aborder, c'est cette idée du biais. Puis en plus, on est tous, en fait, confrontés à ça. Enclin, oui. Oui, exact. En psychologie, on sait bien qu'on va toujours essayer de trouver les choses qui confirment nos croyances ou nos idées. Qui confortent nos croyances. Voilà, ça. Exact. Et donc, on n'est pas à l'abri de ça, comme les chercheurs ne le sont pas à l'abri de ça. En fait, voilà. Donc, la méthode scientifique nous aide à pas tomber dans ces pièges-là, mais veut pas, on est tous des êtres humains. Donc, dans l'histoire des sciences, l'âge de la Terre, c'est un bel exemple pour ça. Depuis très longtemps, en fait, beaucoup de cosmologie ou cosmogonie, on pourrait dire, ont imaginé la Terre ainsi que l'univers comme étant sans âge, éternel. Donc, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, donc l'âge de la Terre se pose pas. En fait, c'est l'avènement des religions monothéistes qui, en posant un être unique et créateur, voit un commencement au monde. Mais ça prend du temps avant qu'on commence à imaginer ou à se poser la question de savoir mais quel âge elle a, la Terre. C'est ça, quand est-ce que ça a commencé? Exact. Là. Mais en fait, les premières estimations, ça vient dans les années 1600, donc au 17e siècle, et ça vient de l'analyse de la Bible. En fait, ça commence avec James Usher, un théologien irlandais, qui va utiliser l'Ancien Testament. Je ne sais pas si vous êtes des lecteurs de l'Ancien Testament, mais dans l'Ancien Testament, on parle d'Adam et Ève, puis il y a souvent des énumérations de généalogie. Il y a eu ça comme fils, il y a eu ça comme fils, etc., etc. Donc, les premières personnes qui ont estimé l'âge de la Terre se sont basées sur ça pour dire que, finalement, la Terre devrait avoir environ 6000 ans. En fait, il y avait des trucs assez précis. James Usher est arrivé à la conclusion que la Terre aurait dû être créée le 22 octobre de l'an 4004 avant Jésus-Christ. J'aime la précision, là. Puis ça, c'était lié au fait que c'est parce que dans le jardin d'Éden, il y avait beaucoup de fruits et tout ça, donc ça devait être après l'été, donc plutôt en automne, etc. Donc des genres de considérations comme ça. Même les illustres Johannes Kepler et Isaac Newton, qui étaient croyants évidemment, ont donné des validations de cette estimation de Usher basée sur l'astronomie, la connaissance de l'astronomie. Ils ne remettaient pas ça en question. Hein? Non, pas du tout. D'ailleurs, on connaît un peu moins, mais de plus en plus ces temps-ci, mais Newton, c'était un alchimiste qui cherchait l'espèce d'unification d'un très grand croyant. Ça a orienté beaucoup ses recherches. Ben oui. On a retenu beaucoup ces recherches plus en physique qui ont donné la gravitation, mais il a fait plus de recherches, en fait, de l'autre côté. Maintenant, Au 18e siècle, donc dans les années 1700, le siècle des Lumières, on voit apparaître une vision différente de la connaissance, l'empirisme, qui place l'expérience sensible avant les croyances. Et donc, c'est dans cette mouvance que Georges-Louis Leclerc, qu'on dit comte de Buffon, fait des expériences, il y a une forge, il prend des sphères de métal qui fait refroidir, puis il fait ça avec différents diamètres de sphères. Il se rend compte que, ben, pour différents diamètres, ça refroidit différemment, mais toujours selon une courbe de décroissance exponentielle. Et donc, en ajustant les paramètres de ces équations, il se dit, ben, on pourrait faire la même estimation pour la Terre, qui, si on s'imagine, est une grosse boule. Ouais, exact. Puis c'est une grosse boule qui était chaude à l'époque, puis qui s'est refroidie tranquillement, on peut estimer son âge. Lui, il arrive dans les années 1700 avec 10 millions d'années. Évidemment, pour lui, ça a comme. Il est trop surpris, ça se peut juste pas. Donc il va réajuster ses trucs un peu, puis il va plutôt publier 74 000 ans. C'était déjà beaucoup, beaucoup plus vieux que ce qu'il y avait à l'époque, les 6 000 ans de la Bible, mais quand même. Et il va falloir attendre, en fait, dans les années 1800, pour que le physicien William Thomson, en fait Lord Kelvin, va reprendre le modèle de Buffon, mais en utilisant les lois de la diffusion de la chaleur qui ont été développées par Fourier. Et en faisant ça, en fait, son estimation va être plutôt de 20 millions d'années. OK, donc là, ça s'allonge. Ça s'allonge tout le temps. Puis beaucoup, à part ça. De beaucoup, effectivement. Puis là, comme William Thomson, c'est un physicien reconnu, ben son estimation va faire autorité pendant longtemps. Un peu dans le même temps, les géologues et naturalistes de l'époque, comme Charles Lyell puis Charles Darwin, pour eux autres, l'estimation de Kelvin est beaucoup trop faible. En fait, en étudiant les processus géologiques, la stratification, tout ça, les roches qui se déposent par couches successives, les plus profondes étant les plus vieilles, puis en observant la quantité incroyable de fossiles, en étudiant les taux de sédimentation, ces gens-là se disaient, c'est sûr qu'il faut que ce soit plus vieux que 20 millions d'années. Ça ne peut pas être aussi jeune, en fait, compte tenu de ce que nous, on connaît. Mais encore là, c'était une impression aussi, là. C'est ça. Oui, dans ce cas-là, ben, en fait, ils ont des études aussi, mais la géologie commence. Elle a beaucoup moins de lettres de noblesse que la physique, donc l'estimation du physicien va prendre le dessus. C'est là que la querelle commence. Il y a 50 ans de débat de ce côté-là. Et donc, cette controverse va perdurer donc, jusqu'à la découverte de la radioactivité par Henri Becquerel en 1896. On constate alors qu'il existe un rayonnement qui est produit par les roches, qui n'est pas visible, mais qui marque les plaques photographiques. À l'époque, on étudie les roches, la fluorescence des roches. On les met dans des endroits noirs avec des plaques photo. Puis on a remarqué que certaines roches qui n'émettent pas de fluorescence marquent quand même les plaques photographiques. Okay. Et donc, il y a quelque chose qui semble sortir de ces roches-là qui affecte les plaques photographiques. On va éventuellement découvrir que ce rayonnement n'est pas du tout de la même nature que la lumière. Mais comme le rayonnement lumineux, en fait, il dépose de l'énergie dans la Terre, un peu comme le soleil sur notre peau quand on va à l'extérieur. Donc, l'estimation des physiciens est erronée. La Terre se refroidit beaucoup plus lentement parce qu'il y a une source de chaleur à l'intérieur même de la Terre par ces roches radioactives. Et donc, une anecdote intéressante, en 1904, Kelvin va assister à une conférence, Lord Kelvin William Thomson, celui qui avait fait l'estimation de 20 millions d'années, va assister à une conférence, il fait un voyage, puis il assiste à une conférence dans laquelle on présente ce nouveau calcul qui donne à la Terre un âge beaucoup plus avancé et qui donne raison aux géologues, évidemment. Mais lui, il n'en croit rien, en fait, et dur comme fer, il va croire à son estimation à lui, puisque ça donnait du crédit justement à la théorie de l'évolution de Darwin, à laquelle il était complètement opposé, en fait, très fermement opposé, ce William Thomson. Donc, jusqu'à la fin de sa vie, en fait, il va être sceptique de cet âge avancé, ce grand âge de la Terre. Finalement, ben, les progrès du 20e siècle sur la radioactivité vont nous montrer que la désintégration des atomes, comme tu l'as mentionné en début d'émission, en début de chronique, ça fait diminuer en fait la quantité du matériau radioactif. On parle d'uranium à ce moment-là? En fait, il y a beaucoup d'éléments radioactifs. Pratiquement tous les éléments peuvent être radioactifs. Il y en a toujours une certaine quantité, un certain pourcentage qui est très faible. Mais donc, on a du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène radioactif. D'ailleurs, le carbone radioactif, c'est le carbone 14. C'est celui qu'on utilise pour dater les tissus biologiques. Donc, tout ce qui est biologique intègre du carbone pendant leur vie. Quand on meurt, on n'intègre plus de carbone. Et donc, à partir du moment de la mort, on est capable d'estimer l'âge parce que le carbone 14 va toujours diminuer. Alors que quand on est vivant, il reste toujours constant. Même que celui de l'atmosphère. D'accord. Donc ces progrès-là, en fait, font en sorte qu'on voit que les matériaux radioactifs diminuent. Il y en a de moins en moins, selon une courbe exponentielle, un peu comme on le faisait dans le modèle de Buffon par le refroidissement, donc par la chaleur qui se dégage. Et donc, grâce à cette courbe exponentielle, encore une fois, on va pouvoir utiliser la radiodatation, donc la radioactivité pour dater, pour avoir une horloge, en fait, des roches. Et donc, il y a plusieurs techniques. On a parlé du carbone 14. Il y a aussi des méthodes qui s'appellent la méthode d'uranium-plomb. Et c'est elle qui va être utilisée par Claire Patterson en 1950 pour faire l'estimation de l'âge de la Terre à 4,5 milliards donné en étudiant une météorite. Ah. Météorite qui on croit, en fait, c'est plutôt le témoin du début de la formation du système solaire. Parce qu'évidemment, les roches sur Terre se sont beaucoup modifiées. Il y a beaucoup de mouvements des roches, tout ça. Donc, les plus vieilles roches qu'on peut étudier sur la Terre n'ont probablement pas le même âge que les roches, la formation du système solaire. Et donc voilà, malgré une grande quantité d'observations, en fait, c'est ce qui est intéressant aujourd'hui. Donc, on a plusieurs données qui nous montrent, ou qui pointent en tout cas vers cet âge de 4,5 milliards d'années, la théorie d'évolution, l'horloge génétique depuis peu qu'on a découvert, alors pouvoir dater génétiquement, cette datation radiométrique, beaucoup d'évidences pointent... Convergent vers ce 4, en tout cas, ou au moins un tout âge près, très avancé, là, dans les milliards d'années. Et malgré ça, et malgré le fait que ça fait un consensus dans la communauté scientifique, aujourd'hui, encore au Canada, il y a 25% des Canadiens qui croient au créationnisme. Et c'est plus élevé encore chez nos voisins du sud des États-Unis. Et donc, ça réitère l'intérêt de faire la promotion de la culture scientifique comme on le fait ici à Futur Simple. Et est-ce que la science peut expliquer pourquoi il y a autant de gens qui sont créationnistes? Ah, ça, c'est une très bonne question. D'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'une prochaine chronique, et qui sait? Effectivement. Merci beaucoup, Dominique, pour nous avoir raconté cette magnifique histoire. Je rappelle que vous êtes coordinateur au Centre de démonstration en sciences physiques de Québec, situé au Cégep Garneau. Merci beaucoup, François. Merci. On passe en pause musicale.